Ok. Premier couplet, freestyle. J'ai vu le mal dans les yeux, des promesses dans les cieux, mesdames et messieurs. Plus on est de fou, plus on est seul, du mal à trouver l'inspi. Ce cesse, c'est de l'abstrait, un casse-tête, une première nuit, un premier jet, un crash test. Même si pas de stress, je vois que la rime t'agresse. J'ai la cassette, celle où le diable tape à l'abdance. Encore un soir où je finis carpette, ma santé au bout d'un tarpé. Comprendre mes rimes, il faut que tu les écartelles. Le monde est mon quartier, mon cœur est par terre. Avec talent j'agis, beaucoup de talons d'Achille. Je plan tragique, subirai-je l'apartheid. En attendant, taf mes lettres et flac opère la magie. Je pense qu'une larme près d'un linceul n'est rien de plus qu'une étincelle. Sans ses frères, petite poussière veut faire le rock, mais se sent bien seul. Ils sont bien ceux qui, avec l'argent, trouvent une place. Ta bonté fait ta valeur, sois fort d'en laisser une trace. On va bien voir qui fait son malin. Je prépare un son qui vous prend tous un par un. Quoi de plus beau à part un son? Taf mes lettres comme ces images, un graphique. Je te ferai voir le monde d'une vision holographique. On va bien voir qui fait son malin. Je prépare un son qui vous prend tous un par un. Quoi de plus beau à part un son? Dans mon crâne, t'imagines pas ce qui s'y trafique. Autour de Strack, ressens la pression qui gravite. Ok. Deuxième couplet, personnel. On m'a blessé jusqu'à ma propre famille. Incapable de comprendre qu'un homme n'est pas un faillite. Au fond de moi ça caille, vos rancœurs me trahissent. Parler à ma rage me pour la gueule dans un calice. Comment te dire que mes bonnes émotions se tarissent? Même les soi-disant potes au bout d'un moment te salissent. Vous êtes tous des putes, voilà mon analyse. J'ai prévenu le pardon, je l'ai plus maintenant qui prend les paris. Je suis né pour gagner, je vais tout prendre comme un Qatari. N'en venez pas me parler, le revers, crois-moi, ça arrive. La vie, je vais la baiser, si elle fait sa maligne. Dans le sang, elle va se baigner, tu l'entendras de Toulouse à Paris. Exécution sommaire, je ne trouve plus le sommeil. L'envie d'aimer, le sourire et ce putain de soleil. Mon âme n'est pas perdue, mais elle vous vaincra. Ouvrez vos oreilles et tendez vos culs, car je m'en tape de vos règles. On va bien voir qui fait son malin, je prépare un son qui vous prend tous un par un. Quoi de plus beau à part un son? Taf mes lettres comme ces images, un graphique. Je te ferai voir le monde d'une vision holographique. Dans mon crâne, t'imagines pas ce qui s'y trafique. Autour de Strack, ressens la pression qui gravite. On va bien voir qui fait son malin, je prépare un son qui vous prend tous un par un. Quoi de plus beau à part un son? Ok. Troisième couplet. Punchline. Je prépare un assaut, un vrai commando dream. Si elle t'endoctrine, tu passeras pas de tête pensante à Cassos. Encaisse la foudre quand j'ai un éclair de génie. Mon rap c'est du sport de chambre, dès que tu l'entends tu gémis. Le dernier j'évite, vu le taf que j'y ai mis. L'art est sali par le semblant, ouais, le bif assez vite. En voulais, j'accours, là je vais pas te louper. Parle dans mon dos et je t'enculerai avec amour. Mes punchlines sont comme les crochets d'un boxeur poids lourd. Petit gabarit vorace comme si tu combinais trois loups. Je les calcule pas pour ça que ça loue. Je trouve ça louche, sont trop teasés. Encore un verre et j'ouvre un salon. Dis que le rap est dead et une salope sera ta bouche. Serre-toi de ta tête, faut qu'on s'accorde pour que ça bouge. Viens voir qui fait son malin, je prépare un son qui vous prend tous un par un. Quoi de plus beau à part un son? Taf mes lettres comme ces images, un graphique. Je te ferai voir le monde d'une vision holographique. On va bien voir qui fait son malin, je prépare un son qui vous prend tous un par un. Quoi de plus beau à part un son? Dans mon crâne, t'imagines pas ce qui s'y trafique. Autour de Strack, ressens la pression qui gravite. On va bien voir qui fait son malin, je prépare un son qui vous prend tous un par un. Quoi de plus beau à part un son? Taf mes lettres comme ces images, un graphique. Je te ferai voir qu'est-ce le monde qu'il y a d'une vision holographique. On va bien voir qui fait son malin, je prépare un son 77. Quoi de plus beau à part un son? Dans mon crâne, t'imagines pas ce qui s'y trafique. Autour de Strack, ressens la pression qui gravite.